Excusez-moi, j'avais une petite conversation avec un chameau. Mon nom est Michel Monette et c'est l'émission Les oreilles ailleurs. Allez, cher ami, on se reparle plus tard. C'était l'hymne à la paix joué lors du festival au désert de 2012 à Tombouctou, au Mali. On connaît la suite des rebelles Touaregs formés par des militaires libyens avant que le colonel Kadhafi y perde le pouvoir et la vie, vont s'emparer du nord du Mali puis être débordés par des islamistes qui vont appliquer une vision stricte de la religion musulmane où la musique occidentale et occidentalisée est interdite. La rébellion Touareg date de plusieurs décennies. Mais qui sont ces guerriers Touareg? Et surtout, ce qui nous intéresse dans cette émission, quel est le lien avec la musique? Durant les décennies 1970 et 1980, des pans entiers de la société nomade tombent dans le dénuement le plus total. L'économie pastorale est complètement bouleversée, voire abandonnée pour les plus fragiles et les plus pauvres des nomades Touareg. Des bidonvilles vont apparaître un peu partout autour des centres urbains et des postes frontaliers entre le Mali, le Niger, l'Algérie. C'est à Tamanrasset, là où se concentre le plus grand nombre de réfugiés de la sécheresse et d'exilés politiques, qu'on va prendre l'habitude de désigner les jeunes hommes en quête de travail du terme de « ichoumar ». Ça vient du français « chômeur ». Le terme va peu à peu prendre les connotations de militance et d'engagement. Les générations de l'exil vont élaborer un projet politique d'autodétermination et au tournant des années 1980, le mouvement va se structurer grâce au soutien intéressé, faut le dire, de Kadhafi et va s'installer en Libye. Les jeunes chômeurs deviennent apprentis soldats et se forment aux techniques modernes de combat. Au sein de la société Touareg, Achamour désigne désormais l'émergence d'une figure héroïque renouvelée, celle d'un justicié et d'un protecteur aux positions politiques et en confrontation ouverte avec l'État. Dans les premières générations de militants en Libye, un groupe d'amis et de parents se forme autour de l'apprentissage de la guitare. Ils se donnent le nom de Tagreft Tinariwen, mais sont rapidement nommés tout simplement Tinariwen. Le genre musical qu'ils expérimentent est appelé Al-Guitara. Le groupe évolue vers une formation complète avec guitariste et chanteur soliste, guitariste rythmique et choriste féminine. Ces femmes complètent la musicalité du groupe. Elles assurent aussi ce que les Touareg nomment yakès, soit une rythmique en syncope, réalisée par le frottement des mains lors des intermèdes musicaux entre des strophes chantées, ainsi que la ligne rythmique en frappant sur un tambour ou sur un jerrican. Voici Tinariwen dans Swat El Wahush, le chant des fauves. C'est tiré d'un album paru en 2008, Ishumar. سوكي مين تراري ساهي الناس ناي جانتيني كم نحمي سجنيني كم نحمي سجنيني نورد الزنوار هيني وصوت الوحوش الوحوش قلاني كاسا توفسي الوحوش الوحوش قلاني كاسا توفسي Après avoir envahi le nord du pays, les islamistes ont occupé des radios et interdit toute musique, même dans les mariages et les baptêmes. Dans une entrevue qu'elle a donnée à l'Express par la suite, la chanteuse Touareg Kaira Harbi raconte « Le 2 mars 2012, j'écoutais la radio chez moi à Tombouctou quand les ondes ont été brouillées, puis j'ai entendu une voix. Nous, les Moudjahidines, refusons la diffusion de toute musique malienne. C'est la musique de Satan. » Cette voix précisait que la sanction de Dieu serait appliquée contre les réfractaires. Le lendemain, continue-t-elle, j'étais dans mon studio d'enregistrement avec un guitariste quand les fous d'Ansar Eddin, un des groupes islamistes qui a envahi le nord du Mali, ont fait éruption. Trois hommes armés leur lancent « Si on coupe la main, les voleurs, que doit-on faire avec un guitariste qui ne respecte pas la charia? Lui couper les doigts? » Un homme sort un couteau. Il interpelle Kaira. « Et à vous qui chantez, c'est la langue que nous allons couper? » Elle est épargnée, mais il lui jette un voile au visage et brûle tout son matériel. On écoute Camila Harbi dans Al-Jamaa Bissimila. Tikina waidia wana morso kayo rada misa gilei min kwaidia gilei min dawadun kwaidia kunde yauman paisa wa kunde yauman haja tikina dia wa kande war goma harbesa paisa ma bisa gilei min dawadun kwaidia nan kurka war go ye fowar ye foman dawa aya ali jamaa bismillah war ma kubai war yer koi Yeah. Wadangai, wadangai, wadangai, ermadangai. Chin sibar ermadangai, har sibar ermadangai. Chin sibar ermadangai, har sibar ermadangai. Bar kadam kubayinda deribe, suba suba gaidi goferiga. Bar kadam kubayinda deribe, suba suba gaidi goferiga. C'était Kaïra Arbi dans Djemba. Petite information en passant, c'est une des musiciennes qui s'exprime dans un documentaire qui fait partie de la programmation 2015 des Rencontres internationales du documentaire de Montréal qui a lieu du 12 au 22 novembre prochain. They will have to kill us first, Malian music in exile. Je crois comprendre qu'il y a des témoignages bouleversants dans ce documentaire. Je vais reprendre cette information sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, tout comme les liens vers les musiques que vous entendez aujourd'hui et aussi les ambiances sonores qui proviennent du documentaire les Touaregs du Nord du Mali de l'ONG Afrique Solidarité. On fait une brève pause. Blammo! Maybe something's happening to me. I'm blammed out. CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la culture. Les bouquins à bord, les lundis 18h30 avec Barbel Rink. Les enfants du paradis, les lundis 17h30 avec Robert Boisclair. L'aérospatiale, les mardis 17h30 avec Audrey Caro et Gentilane La France. Situation critique, les mardis 18h30 avec Pierre Blais. Et La vie en BD, les vendredis 17h30 avec Raymond Poirier. Les islamistes ont fait un pari impossible, empêcher les Touaregs de jouer de la musique. De fait, la musique et la poésie sont une partie intégrante de l'âme Touareg. Lors des guerres entre eux, jadis, les hostilités militaires s'accompagnaient toujours d'hostilités poétiques. N'empêche que ce système poétique et musical séculaire va être bousculé par le genre des ichoumars, qui allie une poésie chantée à un support instrumental masculin, la guitare sèche ou amplifiée. Tinariwen vont être suivis des mules, y compris dans leur passage de l'amateurisme, au sens noble du terme, au professionnalisme. Jusqu'au milieu des années 1990, les Tinariwen ne concevront pas leur groupe comme une association professionnelle organisée autour d'une commercialisation de leur musique. C'est considéré comme au service de la lutte en préparation et vivait au rythme de son évolution. Tammy Crest représente la nouvelle vague des Ichoumars, ceux qui étaient enfants pendant la guerre, pendant la dernière rébellion. Le nom du groupe signifie « la coalition ». Les sept musiciens étaient originaires du Mali, du Niger et d'Algérie. Tammy Crest revendique fièrement l'héritage et l'histoire de leurs aînés de Tinariwen, tout en prônant une ouverture sur le reste du monde. Leur guitare se teinte de sonorités rock, la batterie remplace la percussion, des influences arabes sont perceptibles. On les écoute dans la chanson « Outamachek », enregistrée lors de leur dernier spectacle. Thank you. you. Thank you. Ayatwa wa zamani likuman وسرتيات برضا لمغارا وسرتيات برضا لمغارا يربى أخويا سجتا نغمر كيدا الميزان النيت ماها سكين بكاضا يربى أخويا سجتا نغمر كيدا زنيت وهستين بالكاظ لم زنيت وهستين بالكاظ اربا خن ويدنين الكتاب غرا شهد ست اخفار اربا خن ويدنين الكتاب غرا شهد C'était Tissalawen dans la chanson Ilakoumen. C'est un jeune groupe touareg originaire du Tassali, Djanet, dans le sud algérien. Le groupe s'est formé en 2008. On enchaîne avec un groupe un peu plus ancien, Terafact, issu de Tinariwen. En tamashek, la langue des Touaregs, Terafact veut dire caravane. Le groupe s'est formé au Mali en 2001. Trop de chefs et pas assez de soldats, dira Diarwa lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'évolution de la situation au cours des dernières années. Jeune et rebelle, il avait l'habitude de chanter des chansons politiques alors qu'il jouait de la guitare avec Tinariwen. Aujourd'hui, un nouveau sentiment l'habite, Ténéré. C'est le titre qu'il a donné à cet album et qui se traduit par « Seul ». Tout juste avant la réussite internationale de Tinariwen, Diarra a raté un avion et sa place dans Tinariwen a été prise. Entre-temps, Sanou avait créé son propre groupe, Terakaft. Aujourd'hui, Diarra et Sanou sont l'épine dorsale de ce groupe. Voici deux Tafouk Télé. هاني هنان وين تيد تنها وين با هاني هنان وين تيد تنها سن وين با كي بهان تفو كي بهان تيني كي بهان تفو كي بهان تيني سبحانه

Ah.